Jean Bosco, Douiman. Bonjour à tous, nous sommes samedi 27 août 2016, merci d'être avec nous. Voici les grandes articulations de ce journal de la mi-journée. Le barreau de Bruxelles exprime ses inquiétudes sur les menaces de radiation pesant sur 4 avocats burundais ayant collaboré à la rédaction du rapport sur le Burundi avec le Comité des Nations Unies contre la torture. Compte rendu de lecture d'un communiqué sorti à cet effet. Demain, 28 août 2016, les accords de paix signés à Arusha bouclent 16 ans. Mais ce texte fondateur pour certains de la réconciliation des Burundais est remis en cause aujourd'hui par d'autres, notamment des Burundais qui s'expriment lors des rencontres organisées par la Commission nationale de dialogue interne, d'après le rapport semestriel présenté par le président de cette commission. Réaction dans ce journal. Et le bureau postal de Murago, en commune Murambi de la province Rumonge, n'est plus fonctionnel depuis près de 2 semaines. Et pour cause, il n'y a aucun agent, sauf en planton. Et à la fin de ce journal, vous aurez droit à la revue de presse. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonjour et voici le développement de ces titres. Ce dimanche, demain donc, 18 août 2016, est une date anniversaire dans la vie politique burundaise. En effet, les accords de paix d'Arusha bouclent 16 ans de leur existence. Pour le président Sylvestre Ntibantunganya, ce texte a permis aux Burundais de se réconcilier après la crise consécutive à la mort du président Melchior Ndadaye. Il rappelle que même la réforme des corps de défense et de sécurité s'en est inspirée. Suivez-le. Cet accord a été une grande contribution, une contribution décisive pour faire face au conflit qui déchire le pays depuis l'indépendance, lequel conflit s'était davantage cristallisé au lendemain de l'assassinat du président Melchior Ndadaye. On sait qu'après de longues hésitations, les leaders politiques burundais s'étaient décidés. Finalement, ils avaient accepté de s'asseoir ensemble et de négocier. En parvenant à l'accord d'Arusha, cela avait ouvert à toute une série de réformes dans nos institutions, dans nos corps de défense et de sécurité, pour que tous les Burundais se sentent suffisamment rassurés parce qu'ils représentaient dans tous ces corps, particulièrement dans les corps de défense et de sécurité qui causaient le plus de problèmes. Cela nous avait fait parvenir à une paix que tout le monde reconnaît. Et moi, je me suis toujours dit que cet accord était en fait d'aider à la création d'un Burundais nouveau, un Burundais libéré de ses atavismes et d'assurances qui nous marquaient, et que peut-être dans les 15 prochaines années, cela aurait pu avoir suffisamment assis la paix et la stabilité dans notre pays. Malheureusement, on voit que les hésitations dans lesquelles beaucoup de leaders sont plongés aujourd'hui, puisque malheureusement, peuvent nous amener à des interrogations qui ne sont pas rassurantes. Et concernant la remise en cause de ces accords d'Arusha, tels que souhaité par certains Burundais s'exprimant à travers le dialogue interne en cours au pays, Sylvestre Ntibantunganya estime que cela reflète des objectifs poursuivis par le pouvoir en place. Remettre en cause l'accord d'Arusha aujourd'hui, c'est remettre en cause les acquis majeurs auxquels cet accord nous a fait parvenir. Personnellement, j'ai beaucoup d'inquiétudes et quand je vois les manipulations qui sont autour de ce que vous appelez un dialogue inter-burundais. Moi, j'attache beaucoup d'importance à ce dialogue inter-burundais, à ces négociations, dont le président Museveni a été désigné comme médiateur avec l'appui de l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa. J'espère que c'est dans ces négociations qu'il sortira une ligne de conduite et non qu'en courant, même dans un ensemble comme au CNDD-FDD, un seul courant et dicter ce qu'il pense être la voie la plus indiquée, ce qui n'est pas du tout le cas maintenant. Le président Sylvestre Ntibantunganya. Dans la suite de ses réactions, nous le disions, ce 28 août, c'est la date de la signature de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation, donc c'est demain. Et c'est un accord qui a beaucoup aidé à la mise en place des institutions, mais aussi des forces de défense et de sécurité. Le président Sylvestre Ntibantunganya le disait aussi. Voici la réaction du porte-parole du parti UPRONA, Maître Poncien Ndayishimiye, au téléphone avec Marie-Ange Nzeiman. L'accord d'Arusha, c'est le fondement de la politique des institutions burundaises. C'est le fondement, j'allais dire, de la vie de la nation burundaise. Vous savez, l'accord d'Arusha est intervenu, a été signé après une grave crise qui a secoué le pays depuis 1993. Et vous savez, après, il a été initié des négociations d'Arusha à l'issue desquelles il a été signé les accords de paix d'Arusha. Et depuis la signature des accords d'Arusha, on a observé une situation de paix pendant plus d'une décennie. Les accords d'Arusha sont donc le fondement des institutions de la République, le fondement des corps de défense et de sécurité. Donc, les accords d'Arusha ont eu un apport très, très important dans la vie de ce pays. Est-ce que vous y voyez un inconvénient à ce que cet accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation soit supprimé? Est-ce que aussi vous y voyez des avantages? Nous soutenons que l'accord d'Arusha ne soit pas piétiné. Si une fois l'accord d'Arusha a été piétiné, c'est toute la vie nationale qui subirait des conséquences néfastes. Maître Pontien Daïchimie précise en outre que le parti Uprona juge positif le rapport de la Commission nationale de dialogue interne récemment mis au public, mais il déplore le fait que ce rapport n'ait pas pris en considération les avis des intervenants qui étaient contre le changement de la Constitution ou la suppression de l'accord d'Arusha. Le rapport, globalement, c'est un rapport que le parti Uprona juge positif, mais qui a certaines imperfections. Ici, l'Uprona souligne d'abord qu'il soutient le processus de dialogue inter-burundais dans ses aspects internes et externes. Mais le parti Uprona souligne qu'il soutient un processus de dialogue basé sur le principe du contradictoire et qui tient en considération à la fois l'opinion majoritaire et l'opinion minoritaire. Ici alors, nous avons constaté dans le rapport que il y a des opinions, certes minoritaires, qui n'ont pas été tenues en considération dans ce rapport. Par exemple, l'on dit que la majorité a dit que les accords d'Arusha peuvent être revus, mais l'Uprona dit que plutôt les conclusions de dialogue interne pourraient plutôt compléter les accords d'Arusha au lieu de les piétiner. Maître Pontien Daïchimie, c'est le porte-parole du parti Uprona, reconnu par le ministère de l'Intérieur. Rappelons que le président de la commission du dialogue interne, Justin Zosava, a fait savoir que tous les intervenants ont dit que les deux textes de loi doivent changer. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Je vous l'avais dit, les menaces de radiation de quatre avocats burundais inquiètent le barreau de Bruxelles. Dans son communiqué, le barreau exprime son indignation à l'égard des sanctions qui pourraient toucher les avocats burundais pour avoir collaboré lors de la rédaction du rapport sur le Burundi, rapport du Comité des Nations Unies contre la torture. Les grands points de ce communiqué nous sont lus par Alida Ndaïkeza, stagiaire à notre station. Dans son communiqué, le barreau de Bruxelles fait savoir qu'une inquiétude plane chez lui suite aux menaces de radiation disciplinaire à l'égard de quatre avocats burundais qui sont Armel Niyongere, Lambert Nigarura, Dieudonné Bachirai Shize et Vital Nshimirimana. Ils sont accusés par le procureur général près la cour d'appel de Bujumbura d'avoir apporté leur contribution à la rédaction d'un rapport de la sécurité civile sur le Burundi présenté fin juillet devant le Comité des Nations Unies contre la torture. Ce rapport mettait en avant les disparitions, les viols, les exécutions extrajudiciaires et les tortures. Mais la délégation burundaise lors de cette activité n'a pas pu donner une réponse satisfaisante devant ce comité. À travers ce communiqué, le barreau de Bruxelles continue en affirmant que le jour même où la délégation burundaise quittait Genève, le procureur général, près la cour d'appel de Bujumbura, a adressé une correspondance au bâtonnier de Bujumbura pour lui demander de radier ses avocats qui ont participé au rapport. Le barreau de Bruxelles invite les autorités burundaises à mettre un terme immédiat aux mesures gravement attentatoires aux droits fondamentaux des avocats et à collaborer aux enquêtes du Comité des Nations Unies contre la torture. Merci Alida. Les nouvelles des provinces maintenant. Les habitants des quartiers du sud de la capitale Bujumbura, surtout ceux de la zone Kanyosha, se plaignent qu'ils passent beaucoup de temps au parking des bus de leur quartier au moment de rentrer après leurs activités quotidiennes aux environs de 18h notamment. Ils expliquent que les chauffeurs de cette localité mentent en leur disant qu'ils transportent ceux de Ruziba afin d'avoir les 600 francs qu'on a exigé à celui qui va à Ruziba, alors qu'ils ne dépassent pas la zone Kanyosha. Yves Ngonzimana a rencontré ses habitants de Ruziba. Voici son reportage. Ici, c'est au parking des bus du sud de la capitale Bujumbura où les habitants des quartiers Kanyosha se précipitent derrière les bus qui font le transport en commun aux environs de 18h du soir. Les uns passent par les fenêtres au moment où les autres se font bousculer à l'entrée du bus. Cet habitant de Kanyosha nous donne les causes liées au manquement de bus. Et la cause qui fait que ces gens trouvent un problème pour se déplacer, c'est que lorsqu'ils arrivent aux environs de 17h du soir, il y a beaucoup de gens qui veulent rentrer chez eux. Et les chauffeurs ont pris l'initiative de dévier en transportant les gens de Birmoussaga, Petit Séminaire, et d'autres qui changent d'avis. Au lieu de transporter les gens vers Kanyosha, décident de transporter vers Luziba. C'est pourquoi à Kanyosha, on trouve ce problème pour se déplacer dans ces moments-là. Surtout, on nous vole des téléphones, on nous vole de l'argent, on nous vole de n'importe quoi. Est-ce que ce soit un bagage? Étant donné que lorsqu'on essaie d'entrer vers la porte des véhicules, de bus, de transport, il y a beaucoup de bandits qui broquent l'entrée. Et les mamans, il y a ceux qui se cassent le bras. C'est un problème qui s'observe depuis des années passées. Je ne peux pas dire que c'est à cause de carence de carburant. C'est un problème permanent. Un autre habitat de Kanyosha rencontré à ce parking affirme qu'il s'agit d'un vol organisé par ces transporteurs. C'est un vol organisé, c'est un vol qui se fait par ces gens, ces chauffeurs qui font le bus, mais qui malheureusement n'est pas contrôlé. Ces habitants interrogés demandent que les services habilités pour le transport en commun puissent prendre des mesures nécessaires pour faciliter le transport des gens de cette localité. Reportage signé Yves Mozimana, stagiaire à notre station. Vous aurez compris qu'on est toujours dans la capitale Bujumbura, mais peut-être dans ces zones périphériques. Cette fois-ci, on part à Rumonge et les clients de la poste de Murago, au chef-lieu de la commune de Murambi, se lamentent qu'ils viennent de passer près de 2 semaines sans être servis. Ce bureau postal n'a aucun agent, sauf le planton. Pacifique Mounier Chaka, il est chargé du personnel à la Régie nationale des postes. Il promet de vider cette question dès la semaine prochaine. Nous appelons notre correspondant Jean-Pierre Misago. Ceux qui se lamentent le plus sont les cultivateurs qui voudraient payer l'avance sur l'engrais chimique, les commerçants des produits Braroudi qui commandaient les boissons via cette poste, ceux qui envoient ou reçoivent différents colis via le bureau postal et ceux qui y perçoivent leur pension, la plupart des fonctionnaires de l'État ayant déjà été servis. Selon leur dire, aucune de ces opérations n'est possible depuis bientôt près de 2 semaines après le départ du seul agent postal qui tenait ce bureau. Ces clients demandent que ce bureau postal soit doté d'un personnel pour les servir. Pacifique Mounyeshaka, chef du personnel à la Régie nationale des postes, dit avoir été informé du départ de cet agent pour des raisons familiales pas plus tard que jeudi de la semaine dernière. Il rassure qu'un personnel y sera affecté dès la semaine prochaine pour la continuité des services offerts par ce bureau postal. Ce bureau postal connaît un problème de manque de personnel suffisant depuis début avril de cette année, après l'attaque armée à Murago, au cours de laquelle un des deux agents de ce bureau postal a été blessé. Jean-Pierre Misago de Rumonge, Radio Isanganiro. Et les agents communautaires vont désormais percevoir une motivation à partir de l'année prochaine. C'est ce qui est dit par Dr Misago Leonidas, directeur du département de la promotion de la santé, de l'hygiène et de l'assainissement. C'était après la réunion de 2 jours tenue à Gitega à l'intention de tous les partenaires dans le domaine de la promotion de la santé communautaire. De Gitega, nous appelons notre correspondant Arthur Kavaouchi. Selon le docteur Misago Leonidas, après avoir constaté que les agents de santé communautaire ont un paquet d'activités chargées et cela sans motivation, ils ont songé à mettre en place à partir de l'année prochaine un système de motivation dans le cadre du financement basé sur les performances PBF en sigle au niveau communautaire. Ce docteur fait savoir qu'à partir de 2017, l'agent de santé communautaire aura un paquet d'activités et il devra rendre compte de ce qu'il aura fait pour bénéficier de cette motivation. Il dit que c'est cela qui va permettre à ces agents communautaires à doubler d'efforts et partant diminuer les problèmes de la population tout en leur permettant d'avoir une santé saine et vaquer aux activités de développement. Le docteur Misago Leonidas explique ici le pourquoi de la mise en place du projet de la santé communautaire. Il dit qu'avant, au ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, beaucoup d'efforts étaient concentrés dans les soins donnés aux patients qui venaient se faire soigner dans les centres de santé et hôpitaux. Il indique qu'après, ils ont constaté que pour marquer un pas en avant dans la promotion de la santé, ils devraient quitter les centres de santé et hôpitaux pour arriver dans les communautés, car là, il y a beaucoup de problèmes liés là où les gens vivent. Pour y arriver, ils ont mis en place les relais communautaires issus de toutes les couches de la population et qui sont appelés les agents communautaires à qui ils ont donné une formation et un paquet d'activités. Sachez que ces agents communautaires sont capables de soigner quelques maladies, entre autres la malaria, la diarrhée, ainsi que les maladies dues à la malnutrition et qui le font tout en étant dans les communautés où ils vivent. Arthur Kavabushi Gitega, Radio Isanganiro. Merci Arthur Kavabushi. Et en actualité africaine, après quasiment 2 semaines de campagne, c'est le jour de la présidentielle ce samedi 27 août au Gabon. À partir de 7h locale et jusqu'à 18h, environ 628 124 électeurs sont appelés aux urnes dans les 9 provinces du pays pour un scrutin à un tour. 10 candidats sont en lice, parmi lesquels 2 favoris, le président sortant Ali Bongo et Jean Ping. Ainsi se referme ce journal. J'en rappelle les grandes articulations avant de vous convier à la revue de presse. Le barreau de Bruxelles exprime ses inquiétudes sur les menaces de radiation pesant sur 4 avocats burundais ayant collaboré à la rédaction du rapport sur le Burundi avec le Comité des Nations Unies contre la torture. Et demain, 28 août 2016, les accords de paix signés à Arusha bouclent 16 ans. Mais ce texte fondateur pour certains de la réconciliation du Burundi est remis en cause aujourd'hui par d'autres, notamment des Burundais qui s'expriment lors des rencontres organisées par la Commission nationale de dialogue interne d'après le rapport semestriel présenté par le président de cette commission. Vous avez suivi les réactions du parti UPRONA, reconnu par le ministère de l'Intérieur à travers son porte-parole, et la réaction du président Sylvestre Niba Ntunganya, qui estime que ce texte reste fondateur de la réconciliation des Burundais. Et le bureau postal de Murago en commune Burambi de la province Rumonge n'est plus fonctionnel depuis près de 2 semaines et pour cause, il n'y a aucun agent sauf un planto. Merci à vous tous qui avez suivi ce journal. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à Toussaint Mitebouti qui est toujours de l'autre côté de la baie vitrée. À présent, suivez la revue de presse. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous situez. L'hebdomadaire Iwachu a dédié la semaine que l'on est en train d'achever au journaliste Jean Bigirimana. Il est porté disparu depuis le 22 juillet. Entre autres activités, Iwachu a écrit une lettre au journaliste toujours invisible. Nous débutons cette revue de la presse par quelques lignes de la lettre qui a pour titre « Lettre à Jean ». Léonce. Cher Jean, tu remarqueras que nous sommes entre nous, entre collègues de travail. Nous n'avons pas voulu associer ta famille, tes proches, car ces paroles risqueraient de sonner comme une raison funèbre. Nous avons été voir ta famille, les enfants vont bien. Don Douglas n'était pas là, il était parti jouer au football. Il joue au numéro 9 à l'attaque. Timmy se portait bien et God essaie de tenir. Elle espère toujours que tu vas revenir. Tu sais, comme elle, on se prend parfois à rêver que tu es quelque part et que tu vas nous revenir, mais comme disait un de ses héros, je crains le pire. On nous a signalé que tu as été aperçu pour la dernière fois à Bugarama. Nous avons monté des collines, descendu des vallées de Muramvya. Nous avons arpenté les contreforts de la Kibira et longé la Mubarazi. C'est d'ailleurs là que nous sommes tombés sur ces 2 corps suppliciés. Nous ne savons même pas formellement que tu ne fais pas partie de ces 2 citoyens livrés à la rivière. Les 2 corps ont été enterrés vite fait. S'ils sont lents à chercher, ils sont rapides pour enterrer. Aujourd'hui, nous n'avons que des questions. Jean, qu'as-tu fait pour disparaître ainsi? Qu'as-tu dit pour que l'on ne te donne même pas la possibilité de t'expliquer? J'ai beau fouiller, mais je ne trouve pas. En fait, et c'est grave, on t'a reproché d'exister. Car si on t'avait reproché d'autres méfaits, on t'aurait mis en accusation. Mais ton départ encore inexpliqué nous aura au moins permis de compter, de faire loterie des amis. C'est le seul avantage dans ce malheur. Cher Jean, aujourd'hui, nous avons déposé une plainte en justice contre X. Cher Jean, nous voici donc réunis autour de ta photo. Grâce à elle, tu vas rester parmi nous. Tu nous vois les yeux secs, mais nous avons les cœurs lourds. Nous ne voulons pas pleurer. Et dans notre tradition, les larmes d'un vrai homme coulent à l'intérieur. Mais d'un autre côté, Léonce, un autre confrère est enfin libre. C'est mentionné dans les lignes de l'agence Net Presse. Oui, Mireille. Il s'agit de Guy Sastev. Il a causé de la station Bouja FM qui a recouvré sa liberté après une semaine de détention. Lui, au moins, n'a pas subi le sort de son confrère puisqu'il est rentré chez lui le 25 août dans l'avant-midi. Guy Sastev avait été arrêté une semaine avant, accusé officiellement de porter atteinte à la sûreté de l'État. Mais il n'y a finalement pas eu de preuve de cette accusation. Revue de la presse. Pas d'arrestation de femmes ou de filles pour mauvais accoutrement, écrit encore l'agence Net Presse. Il y a quelques jours, des informations avaient fait état d'une décision du gouvernement d'arrêter toute fille ou femme qui porterait une jupe courte qui ne cache pas les genoux, ainsi que des collants qui montrent la forme du corps de la femme ou de la fille. L'information avait alors déstabilisé les femmes et les filles dont le gros de leur garde-robe est fait de telles jupes en plus des pantalons. Le porte-parole de la police a démenti l'information en indiquant qu'il n'y a pas de loi qui interdit un tel accoutrement. L'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation est vieux de 16 ans. Qu'ont-ils fait de l'éducation ? Un constat amer du journal La Voix de l'enseignant est que les auteurs ont minimisé l'importance de l'éducation. En aucune fois, l'accord ne s'intéresse à l'enseignant, si ce n'est que de dire que durant la crise, certains enseignants sont morts et d'autres ont fui. Suivant les souhaits de l'accord, l'école fondamentale est née, mais attend d'être accompagnée. Les enseignants et le matériel didactique manquent, l'enseignant croupit toujours dans la misère. En lisant les accords d'Arusha pour la paix et la réconciliation, poursuit le journal, on remarque que le secteur de l'éducation n'avait pas trop retenu l'attention des participants. L'enseignement des métiers, l'arbre qui cache une forêt, selon encore la voix de l'enseignant. Les parents devront mettre la main à la poche pour financer l'éducation de leurs enfants et apprendront à limiter les naissances car l'école est en voie de devenir communautaire. Les prévisions risquent de dépasser les attentes. L'agence burundaise de presse écrit sur la visite de l'orthodoxe du Burundi et Rwanda. Il a été reçu en audience par le médiateur Mohamed Rukara. Son entretien avec l'ombudsman burundais était centré sur le rôle que l'Église peut jouer dans la consolidation de la paix dans le pays. C'est dans les églises que les chrétiens apprennent l'amour du prochain, le pardon à celui qui t'a offensé avant d'être pardonné, comme le dit la prière que Jésus-Christ a recommandée aux apôtres, poursuit la BP. Ainsi s'achève cette revue de la presse qui vous a été présentée par Léonce Vitalio et Mireille Kanyange. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end. À la prochaine. Revue de la presse.